Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 9. Devant l'Olympia de Manet, au Louvre. La rencontre du peintre Tocher avec Manet à Venise. Comment Manet travaillait ? Manet et la peinture italienne. Un jour, au Louvre, je crus reconnaître le peintre Charles Tocher dans un visiteur qui s'était arrêté devant l'Olympia. Je m'approchai, c'était bien lui. En l'abordant, je lui rappelai des allusions qu'il avait faites devant moi à ses relations avec Manet. « Mais dites-moi, comment l'avez-vous connu ?»« C'est à Venise. J'étais entré prendre une glace au café Florian. » Le grand peintre, dont l'élégante silhouette m'était familière, vint s'asseoir à la table voisine de la mienne. Il était accompagné de sa femme. Je fus frappé par le port majestueux de Madame Manet. Son ombrelle étant tombée, je me baissai pour la ramasser. Manet me remercia. « Je vois que vous êtes français. Mon Dieu, que je m'ennuie ici !» Madame Manet sourit. Son visage rose et enfantin s'épanouissait sous un large chapeau. « Édouard aime plaisanter, » dit-elle. « Il fait son parisien. » Monsieur Tocher, c'est bien durant ce séjour à Venise que Manet peignit son célèbre tableau, Les Pieux du Grand Canal. Oui, et l'enthousiasme de Manet pour ce motif. L'escalier de marbre blanc qui s'enlevait sur le rose fané des briques de la façade, sur le cadmium et les verres des soubassements. Dans l'eau agitée au passage des barques, des oscillations d'ombre et de lumière qui faisaient s'écrier à Manet « Ce sont des culs de bouteilles de champagne qui surnagent !» Un jour que je l'accompagnais dans sa gondole, comme nous admirions à travers la rangée des pieux gigantesques et tordus, bleus, blancs, les dômes de l'incomparable Saluté, cher à Guardi. « Je mettrai là-dessus, » s'écria Manet, « une gondole conduite par un batelier en chemise rose, au foulard orangé, un de ces beaux gars, brun comme un abencérage. » Quelques pensionnaires de la Villa Médicis écoutaient, d'une embarcation voisine, les paroles de Manet. À ces derniers mots, ils ricanèrent. J'entendis même l'exclamation de pompier. J'ai lu dans l'Histoire sainte qu'au passage d'un prophète, des enfants se moquèrent. Un ours sorti du bois voisin dévora les téméraires. Si le dieu de la peinture, pour venger Manet, avait fait surgir des profondeurs des canaux un monstre marin. Monsieur Charles Tocher, m'interrompant, il fit mieux, le dieu de la peinture. Il envoya l'ours oubli qui a dévoré, avec leurs maîtres officiels, les peintres de cette époque, au milieu desquels Manet se disait pareil à un chien qui aurait une casserole à la queue. Les moqueries de ses contemporains étaient-elles indifférentes à Manet? Cézanne, lui, heurté un jour par un passant, s'était écrié « On ne sait donc pas que je suis Cézanne !»« Oh, pour ce qui est de Manet, » reprit M. Tocher, Madame Manet m'a raconté qu'un critique d'art célèbre, ami de la maison, s'étant permis dans un journal quelques ironies sur un tableau du peintre. Le surlendemain, de bonne heure, Manet sortit en disant qu'il allait faire une étude au bois de Boulogne. À son retour, il annonça qu'il venait de gratifier le facétieux d'un bon coup d'épée à l'épaule. Pour revenir à ce tableau des pieux de Venise, le tableau, une fois terminé, j'étais vraiment épatée. On ne peut rien rêver de plus juste, de mieux situé dans l'atmosphère. Devant une remarque que je faisais, « Ce n'est pas à l'école, me dit Manet, que j'ai appris à construire un tableau. Le premier jour de mon entrée chez Couture, on me donna un antique à copier. Je le tournais dans tous les sens. Il me semblait plus intéressant la tête en bas. » Bref. Après deux ou trois essais, je renonçais à demander quoi que ce fût à l'Antiquité. Mais j'appris beaucoup durant mon voyage au Brésil. Combien de nuits j'ai passées à regarder, dans le sillage du navire, les jeux d'ombre et de lumière. Pendant le jour, du pont supérieur, je ne quittais pas des yeux la ligne d'horizon. Voilà qui m'a révélé la façon d'établir un ciel. Comment peignait Manet? J'entends encore Cézanne dire « Manet, il crache le ton ». En effet, il ne procédait pas par traits. Par touches rapides, il jetait des ombres, des lumières, des reflets d'une sûreté étonnante, et sa mise en place était faite. Je me souviens d'un dîner que nous fîmes ensemble dans un petit restaurant situé en face du Giudecca. La table était sous une tonnelle couverte de pampres. Dans une petite ouverture de cette tonnelle s'encadrait la charmante église du Rédempteur qui contrastait, toute rose, avec le vert glauque de l'eau et les fuseaux noirs des gondoles. Manet étudiait et analysait les tons différents que prenaient les objets au fur et à mesure que le jour tombait. Il définissait leurs valeurs et disait comment il essaierait de les reproduire, baignant dans cette cendre crépusculaire. Soudain, il se leva. Il prit sa boîte de couleurs, une petite toile, et courut vers le quai. Là, en quelques coups de pinceau, il campa l'église lointaine. Devant un tableau de Monet, on a la sensation de la touche posée d'emblée, définitivement. Attendez, c'était aussi mon opinion avant de l'avoir vu au travail. Je n'ai su que plus tard combien, au contraire, il peinait pour obtenir ce qu'il voulait. Pour ne parler que des pieux du Grand Canal, Manet recommença sa toile je ne sais combien de fois. La gondole et son batelier l'arrêtèrent un temps inimaginable. Oh, « c'est le diable, disait-il, pour arriver à donner la sensation qu'un chapeau tient bien sur la tête du modèle, ou qu'un bateau a été construit avec des bois coupés et ajustés suivant des règles géométriques. » Je ne me lassais pas d'écouter M. Tocher. « Une autre fois, continua-t-il, comme j'admirais devant Manet qu'on pût associer dans une toile la poésie et la réalité, il s'écria « Oh, si ce bœuf de Courbet vous entendait, lui, ce qu'il appelle être réel. Tenez, dans son enterrement d'Ornans, il a trouvé le moyen d'enfouir tout le monde, prêtre, fossoyeur, croque-mort, membre de la famille. L'horizon même est à 10 pieds sous terre. » Manet, vraiment, si dur pour Courbet. Que pensait-il de ses camarades impressionnistes, Monet, Cézanne, Renoir? Monet seul trouvait grâce devant lui. De Cézanne, il disait que c'était un maçon qui peignait avec sa truelle. Quant à Renoir, il le tenait pour un brave homme, fourvoyé dans la peinture. Quelques jours plus tard, nous nous rencontrâmes à nouveau, M. Tocher et moi. Mes premiers mots furent pour le questionner encore sur le peintre de l'Olympia. Vous m'avez dit qu'il vous a été souvent donné de voir travailler Manet. À Venise, j'allais le rejoindre presque tous les jours. Les lagunes, les palais, les vieilles maisons décrépites et patinées par le temps lui offraient des motifs inépuisables. Mais de préférence, il recherchait les coins peu connus. Je lui avais demandé si je pourrais le suivre dans ma gondole. « Tant que vous voudrez, me dit-il. Quand je travaille, je ne m'occupe que de mon sujet. » Parfois, il avait un mouvement de dépit qui faisait osciller son embarcation. Aussitôt, je voyais le couteau à palette racler rageusement. Mais, tout à coup, j'entendais un refrain de chanson ou quelques notes siffler joyeusement. Manet me criait alors « Ça marche, ça marche !» Moi, quand ça va bien, j'ai besoin de traduire mon contentement tout haut. Comment expliquez-vous, Monsieur Tocher, que ce Parisien narquois, ce boulevardier qu'était Manet, ait pu se passionner pour l'Espagne et l'Italie? À vrai dire, ses préférences le portaient vers l'Espagne. Oh, l'Espagne, me dit-il un jour, est si simple, si grandiose, si dramatique, avec ses pierres comme desséchées et ses arbres vert noir. Venise, après tout, ce n'est que du décor. Mais pour les grands peintres vénitiens, écoutez, un matin, je regardais avec lui la gloire de Venise, de Véronèse, au palais ducal. « Voilà qu'il laisse froid !» s'exclama Manet. « Que d'efforts inutiles, que d'espace perdu là-dedans. Pas la moindre émotion. J'aime les Carpaccio, qui ont la grâce naïve des enluminures de micelle. Par exemple, je mets au-dessus de tout les Titiens et les Tintorets de la Scola di San Rocco. Mais voyez-vous, j'en reviens toujours à Velasquez et à Goya. Et que pensait-il de Tiepolo ? Tiepolo l'agaçait. « Oh, ils nous rasent, disait-il, ces Italiens, avec leurs allégories, avec leurs personnages de la Jérusalem délivrée et du Roland furieux, avec tout ce bric-à-brac tapageur. Un peintre peut tout dire avec des fruits ou des fleurs, ou des nuages seulement. » « Je me rappelle, reprit M. Tocher, une promenade que nous fîmes autour des étalages de la Pesqueria Vecchia, sous le pont du Rialto. Manet se grisait de lumière. C'était chez lui un débordement de joie, devant ces poissons énormes, au ventre d'argent. « Ah, voilà, s'écria-t-il, ce que j'aurais voulu peindre si le conseil municipal de Paris n'avait pas refusé mon projet de décoration pour l'hôtel de ville. Voyez-vous, je voudrais être comme le Saint-François de la nature morte. » Une autre fois, nous allâmes aux verdures. Manet, fluet, en complet bleu, le chapeau de paille rejeté en arrière, enjambait les amoncellements de victuailles et de légumes. Soudain, s'arrêtant devant une rangée de citrouilles, ces citrouilles spéciales aux rives de la Brenta, des têtes de Turcs enturbanées, des trophées de victoire de Lépante, de Corfou. Quand Manet avait bien travaillé, poursuivit M. Tocher, il allait pour se délasser à la découverte de Venise. Madame Manet l'accompagnait, et ils erraient dans les ruelles les plus tortueuses, ou, montant dans la première gondole venue, exploraient les plus étroits canaletti. Manet raffolait des vieilles masures où flottaient des loques qui accrochaient la lumière. Il admirait les belles filles ébouriffées, qui, le col nu, dans leurs robes à fleurs, assises sur le pas de la porte, enfilaient les perles du Murano, ou tricoter des bas aux couleurs rutilantes. Dans le quartier des pêcheurs, à San Pietro di Castello, il s'arrêtait devant les grands pieux coiffés d'énormes nasses en osier que la lumière teintait d'améthyste. Il s'émerveillait des enfants dorés par le soleil, s'ébattant sur les vieux escaliers aux marches de marbre disjointes et qui se chamaillaient, barbouillés de polenta et de pastèques. L'après-midi s'achevait par des visites aux brocanteurs dont les échoppes misérables ne faisaient pas présager les somptueux magasins d'antiquaires qui devaient s'élever aux mêmes places 40 ans plus tard. Rien ne l'enchantait autant que de dénicher une vieille dentelle, un bijou finement ciselé, une précieuse gravure. Il me donnait souvent rendez-vous dans la soirée. Venise est surtout émouvante la nuit. Aussi, Manet aimait-il à sortir après le dîner. Il causait alors volontiers, et il ne se gênait pas pour taquiner devant moi Madame Manet sur sa famille, notamment sur son père, qui était le type du bourgeois hollandais, maussade, grondeur, économe et incapable de comprendre un artiste. Mais qu'une voix de pêcheur s'éleva chantant une barcarolle, ou qu'une guitare commença de grelotter, Manet tout de suite se taisait, pris par le charme de la Venise nocturne. Sa femme, qui était une excellente pianiste, ne manquait pas chaque fois de dire la joie qu'elle aurait d'interpréter, dans un tel décor, du Schubert, du Chopin ou du Schumann. D'accord avec Madame Manet, j'organisais un petit complot. Un soir, après dîner, j'invitai Manet et sa femme à une promenade sur l'eau. Je fis diriger notre gondole vers un canal voisin du pont des Soupirs. Là était amarrée une de ces larges barques qui servent à faire les déménagements. J'y avais fait transporter un piano que des couvertures dissimulaient. Madame Manet, comme nous en étions convenus, s'était plainte des oscillations de notre embarcation. J'invitai mes compagnons à monter dans cette autre barque qui tenait beaucoup mieux l'eau. Nous partîmes dans la direction de Saint-Georges-Majeur. Tout à coup, sous les doigts de Madame Manet, une mélodie s'éleva. C'était une romance de Schumann. Manet nous avoua avoir éprouvé, là, la plus délicieuse impression de tout son séjour à Venise. Oh, quel délassement ce devait être pour Manet après la vie mouvementée de Paris. À Venise, il n'avait d'autres préoccupations que la peinture. Aussi, que de projets il faisait et qu'il ne put réaliser. Un certain dimanche de septembre, notamment, je l'accompagnais à Mestre, où des régates avaient lieu dans la lagune. Ces gondoles en course, avec leurs rameurs vêtus de blanc et de bleu, formaient comme les tronçons d'un immense serpent. Étendus sur les coussins de notre embarcation, un plaid sur les genoux, une main traînant dans l'eau, Manet, sous l'ombrelle de sa femme, évoqua devant nous le tableau qu'il rêvait de faire de ses régates. Ce Manet, que l'on traitait d'extravagant novateur à l'école des beaux-arts, avait composé son sujet suivant des règles tellement classiques que l'exposé qu'il nous en fit aurait, j'imagine, enchanté Poussin. Je notai, avec le plus grand soin, l'incomparable leçon que je venais d'entendre. Note. Voici cette note dont M. Charles Tocher voulut bien me permettre de prendre copie. 1. Devant une scène semblable, si troublante et si compliquée, je dois, avant tout, choisir l'épisode caractéristique, délimiter mon tableau, comme si je le voyais déjà encadré. Dans la circonstance, ce qui s'affirme le plus, ce sont les mâts pavoisés de pavillons multicolores, le drapeau italien, vert, blanc, rouge, la ligne ondoyante et sombre des barques surchargées de spectateurs, et la flèche blanche et noire des gondoles s'éloignant à l'horizon. Puis, en haut du tableau, la ligne d'eau, le but désigné et les îles aériennes. 2. Je m'efforcerai de dire d'abord les différentes valeurs qui s'étagent et s'éloignent logiquement, suivant leur plan dans l'atmosphère. 3. La lagune, miroir du ciel, est le parvis des barques, avec leurs passagers, des mâts, des oriflammes, etc. Elle a sa couleur propre, les nuances de coloration qu'elle emprunte au ciel, aux nuages, à la foule et aux objets qui s'y reflètent. Ne me parlez pas de traits précis, de fil de fer dans une chose mouvante, mais de valeurs qui, justement observées, constituent le volume réel, l'indiscutable dessin. 4. Les gondoles, les barques diverses, avec leur coloration généralement sombre, leurs reflets, représentent le socle que je pose sur mon parvis d'eau. 5. Les personnages, assis ou gesticulants, vêtus de couleurs sombres ou d'étoffes éclatantes. Leurs ombrelles, leurs mouchoirs, leurs chapeaux forment des créneaux de valeurs diverses qui donneront le repoussoir nécessaire et leur véritable caractère aux plans et aux gondoles que j'apercevrai au travers. 6. Cette foule, les rameurs, les drapeaux, les mâts, s'enlèveront en une mosaïque de tons colorés. On s'efforcera de rendre l'instantanéité des gestes, le frisson des drapeaux, le balancement des mâts. 7. À l'horizon, très haut, les îles. Les voiles des derniers plans seront seulement soupçonnées dans leur fine et juste coloration. 8. Le ciel, enfin, comme un immense dé éclatant, couvrira, enveloppera toute la scène, jouera en lumière sur les personnages et les choses. 9. Les touches devront être primes au tiers, franches. Nulle cuisine, et vous prierez le Dieu des bons et honnêtes peintres de vous venir en aide. Fin de la note. Cette journée de régate devait être la dernière joie que Venise donna à Manet. Quelques jours plus tard, un matin, de très bonne heure, il vint frapper à ma porte. « Je suis rappelé à Paris, » me dit-il. « Ici, je vivais trop agréablement. Quels embêtements m'attendent là-bas. » J'accompagnais à la gare mes nouveaux et si attachants amis. Durant le trajet, Manet regarda, une dernière fois, intensément, le grand canal, ses palais roses, les vieilles maisons patinées, les gigantesques pieux, mirliton qui émergeait d'un brouillard léger. Jusqu'au moment où il monta dans son wagon, il ne prononça pas un mot. « Mais vous l'avez revu à Paris. » Je ne revins en France que 4 ans plus tard. J'allais le saluer dans son atelier de la rue de Saint-Pétersbourg. Là régnait une simplicité monacale. Aucun meuble inutile, pas un bibelot, mais des études éclatantes sur les murs et sur les chevalets. Dans le fond de la pièce, sur la cheminée, un chat en plâtre, une pipe au bec. Manet n'avait-il pas aussi un atelier rue d'Amsterdam? Oui, et bien pittoresque, dans une cour ensoleillée. On entrait dans un vestibule dont les murs disparaissaient sous une profusion d'études. Sur de nombreux petits guéridons, des bouquets de fleurs disposés dans des carafes ou dans de simples verres à boire. Le portrait si connu d'Antonin Proust était sur un chevalet. Des études de femmes en robe claire et coiffées de grands chapeaux s'étageaient le long de l'escalier de bois peint en rouge qui conduisait à l'atelier proprement dit. Des feuilles de papier, hachées de traits de fusain ou de pastel, jonchaient le parquet. Au mur, de grands tableaux commençaient. Un chapeau noir d'Amazone s'enlevant sur la toile blanche, une tête de cheval à l'œil inquiet, une ombrelle rose, etc. Comme dans certaines esquisses de Velasquez et de Goya, je retrouvais là cette impression de vibration et de vie que ne donne pas toujours le tableau terminé. Avez-vous vu Manet dans les derniers temps de sa vie? Quelques semaines avant sa mort, j'étais allée rue d'Amsterdam. Je trouvais le grand artiste seul, triste et souffrant. « Je travaille, disait-il, parce qu'il faut bien vivre. » Devant ma protestation que les connaisseurs avaient toujours la même foi en lui, « Parfait, me répondit-il, mais hélas, la foi qui n'agit pas, est-ce une foi sincère? Il est vrai que mon tailleur, lui, m'apprécie. Et puis, il y a fort. A-t-on assez blagué le portrait que j'ai fait de lui en Hamlet? Et cette jambe gauche qu'on disait trop courte. Quand un personnage s'élance, ces deux jambes peuvent-elles être celles d'un fantassin au garde-à-vous? Et le parquet en pente, parbleu, je voudrais bien savoir comment les maîtres officiels du dessin s'y prendraient pour donner l'illusion d'Hamlet accourant vers le spectateur. Manet s'était levé. Il haussa les épaules, enfonça sur sa tête son chapeau à bord plat et me dit, avec un sourire qui retroussait ses moustaches, « Laissons ça, allons boire un bock chez Tortoni. » Il tâta l'une de ses poches. « Bien, fit-il, j'ai mon carnet de croquis. Dans la rue, il y a toujours quelque chose à prendre. Tenez. » Et il me désigna une petite étude de jambes piqué au mur. Un garçon dégorgeait un siphon à la terrasse d'un café. Une petite femme passait. Instinctivement, elle releva sa jupe.